Pose ce transistor. Complètement crétin, ce gamin. La rage, avec Xavier. Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Et bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur les micros de la rage au 99.1 à partir du 28 mai 2016. Je ne cesserai de le répéter à chaque émission, ainsi que sur notre web radio et sur nos podcasts sur le site de la rage. Et ce soir, je ne suis pas seul dans les studios, je me retrouve en compagnie de Nicolas. C'est bien ça, bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va très bien. Bah ouais, t'as le sourire, ça s'entend, ça fait plaisir, surtout que le temps est mauvais. Il pleut, c'est dégueulasse. Donc, c'est pas terrible le temps, je dois confirmer. Pas tellement, mais bon, on est à l'abri dans les studios. J'ai même eu l'impertinence de brancher le chauffage à côté de moi parce que j'ai un peu froid, je suis un peu frileux. Enfin bref. Nicolas, est-ce que tu pourrais, un petit peu avant de venir sur le pourquoi de ta présence, te présenter tout simplement ? Alors, je m'appelle Nicolas. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent sur la rage. J'ai 26 ans. Je suis magasinier cariste dans une entreprise de décor événementiel. Ouais. Je suis passionné par la country, la radio et puis les danses latines, dont je fais un petit coucou à l'association Salsa Conclave de Ballon-Miré. De Ballon-Miré. Donc ouais. t'es pas de Ballon-Miré, toi. T'es sur quelle ville? Je suis sur Druy. Sur Druy, très bien. Et donc tu m'as contacté. T'as contacté la rage. C'est bien cela. C'est bien cela. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer le pourquoi de ta présence ? C'est parce que j'avais tout simplement l'idée de présenter, de leur proposer une émission que je tiens depuis juillet 2015. Ouais. Et que je voudrais la transmettre à certaines web radios. Parce que tu as ta propre émission de radio, déjà. Tu les mets sur d'autres radios. C'est cela. Tu me parlais d'une radio sur Amboise. C'est cela. Radioactive, si j'ai Radioactive, pas... ouais. Ouais. Avec qui tu bosses pour eux depuis combien de temps ? Enfin, tu bosses avec eux, disons, plutôt, depuis combien de temps ? Ça fait depuis octobre 2014. Ouais. Donc, chez eux, tu as déjà ton créneau régulier d'émission ? C'est bien cela. Je présente une émission qui s'appelle Love in Millennium. C'est une émission qui est consacrée sur les musiques des années 2000 jusqu'au hit actuel. Ouais. Mais on est plus dans le rétro des années passées. Quel sera le contenu de cette émission ? Ce sera le même que sur Radioactive ou t'as des projets différents ? Alors, j'ai déjà en premier lieu dont le Summer Club que je vous ai parlé. Oui. Donc, c'est une émission qui est consacrée aux musiques d'été des années 80 à aujourd'hui. On revisite, les musiques estivales qui ont fait les beaux jours de l'été. D'accord. Et c'est ce choix, ça provient d'une passion, donc ? Dans le sens, j'ai toujours aimé les musiques d'été. C'est parce qu'un de ces jours, j'ai assisté avec des copains à une soirée qui était consacrée aux musiques d'été. Donc, c'était des musiques des années 80 aujourd'hui. Puis, ouais. Un de ces jours, j'ai eu la chance d'avoir connu un DJ qui m'a donné le secret de ses réussites de soirée. Puis, c'est là où j'ai... Ou toi aussi, tu as eu envie de te lancer dedans ? Ouais. Donc, cette émission, est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler d'un point de vue du format, d'un point de vue tous les combien de temps on va pouvoir l'entendre, à partir de quand, si tu le sais déjà, un petit peu plus d'infos donc, tout simplement. Alors, la date, je peux d'ores et déjà vous la donner, ça sera du 27 juin jusqu'au 12 septembre. D'accord. Donc, on aura tout l'été pour s'amuser ensemble et cela pendant 45 minutes. Ouais. Donc, c'est avec grand plaisir que j'aurai de retrouver les auditeurs de la rage. Sur ton émission. Voilà. Est-ce que tu as des projets un petit peu, est-ce que sur une suite, une autre émission, quelque chose d'autre ? Ou alors tu veux rester sur ce format et sur ce thème tout le long de la période ? J'ai prévu une autre style d'émission, sauf que c'est encore flou. Il s'agit sur de la musique country. Ouais. Et donc là, ça reste une idée. Il y a encore rien de sûr, il y a encore rien de fait. Il y a encore rien de sûr ni rien de fait. Est-ce que ce sera en direct ? Est-ce que tu essaieras de le faire en direct ou alors ce sera en podcast ? Est-ce que tu penses que tu arriveras, est-ce qu'une fois tu auras l'envie, ou ce sera que des émissions en podcast différées? Oui, je le souhaite, éventuellement, pour ceux qui auraient raté l'émission et puis qui auraient aimé la découvrir. Ouais, donc elle sera, je me permets de le rappeler, on aura sur le site de la Rage, dans ouais. l'onglet vos émissions. Comme actuellement, on a une page dédiée en fait à Fabrice qui s'occupe des émissions sortées. À moi-même avec mes quotidiennes, on aura également ta page internet où on pourra retrouver les différents podcasts des différentes émissions. Voilà. À ce moment-là, on pourra tout suivre et ne rien louper. Bon bah c'est super. Bah écoute Nicolas, je te remercie. Bah merci. À vous. On a fait le tour. On a fait le tour. Bon bah c'est parfait. Alors voilà. Bah écoute, je te remercie encore une fois. Bah merci à vous Xavier. Bah je t'en prie. Et puis on se dit à très bientôt donc pour le podcast dans un premier temps. Pour avoir une idée de ce qu'on va écouter, et par la suite pour ton émission régulière sur la Rage. Ça marche. Je te souhaite une excellente soirée. Merci, bah vous aussi. Et puis à ceux qui nous écoutent, tout pareil. Alors je ne sais pas quand vous nous écouterez, donc si vous nous écoutez le soir, c'est bien, ça tombe bien. Et si vous ne nous écoutez pas le soir, bah ça tombe pas bien, mais c'est tant pis. Voilà, gros bisous, salut.